peut coucher dans la rue sans se faire piler dessus. Y a des feux d'artifice, ça sent le dentifrice. Les magasins sont ouverts très tard ce soir. On peut se piquer dans la rue en mangeant des pogos, des policiers tout nus qui tirent dans des flaques d'eau. Les lampadaires sont verts, c'est fantastique. C'est la rue avec des cigares au chou, en gardant mes longues vues. Y'a plein de ma face qui me fait coucou. Les enfants nous vendent la crème en glace ce soir. On peut manger dans la rue sans se faire cracher dessus. Y'a des spectacles gratis, ça goûte le dentifrice. Le monde est mal habillé mais sont beaux, c'est fantastique. Du Cabrel avec des acteurs qui puent, qui jouaient dans Poivre et Sel. La rue est swell, à Noir and Bay ce soir. On peut nourrir la rue si on y met du sien. On peut y faire du jus à saveur de raisin. Je donne un petit biaume de raisin à la rue, c'est fantastique. Arrêtez-moi, vous êtes dans la police ou vous êtes du FBI ou tout simplement l'équipe SWAT? Quelle discipline argumentaire? Pourquoi vous voulez je suis un honnête citoyen, moi, là? Puis là, en ce 22 juin, mon cher intercepteur d'illusions, vous êtes quoi, là? Comme disait, vous êtes dans le surmoi, vous, là. Il ne faut pas faire ça, pas faire ci. Si on fait ça, on va arriver avec ci. Vous êtes incapable, vous, là, d'oublier le surmoi et de descendre vers le moi et le ça. Ça, c'est ça, c'est ça. Et vous interrompre, oui. Le plaisir de vous arrêter. Ben, allez-y, arrêtez-moi. Bon, c'est moi, menotte. Ça commence très bien l'émission. Sans 10 minutes, là, sans animateur et sans son. Moi, ben, c'est pas moi Samson, c'est TQ Samson. Il veut devenir animateur, il prend des cours, il me regarde la babine et allez, il dit comment fait-on pour une animation? Comment faut faire l'animation? Premièrement, il faut avoir une diction pour faire de l'animation radiophonique, très cher ami. Et vous êtes très loin de la mise. Un peu. Oui, c'est vrai, j'avais un nouvel atelier d'improvisation sur l'art dramatique en participant à à quoi? À l'articulation de ma bouche. Oui. Je me sens entre le Superman de l'existence et la Papaman de la vie. Oh! Voyons. Ai-je vu d'autant de crapules ce soir? Ai-je foulé autant de médiocrité intellectuelle? Ben voici, entre la part. Ah oui, c'est vrai, hey, j'ai dérapé là. Tu savez-vous ça? Non, on l'a entendu. Hey, j'espère que ça n'a pas brisé des pneus. Ça sent un peu le. Oui! Le caoutchouc. Mon petit côté Karate Kid, moi. Ah, je lève la patte, puis c'est pas pour. Je suis comme le caniche. J'ai même la coupe de cheveux du caniche. Avez-vous ça, madame? Mettez-moi au bout de la selle. La selle, ben, la corde. Ah oui, OK. Ça fait que je me sens entre le Superman et la Popperman. Je vous explique. Ben, vas-y, explique. On y va. Calmez-vous, madame. Prenez votre respiration par la bouche et terminez par le nez. Fais-tu bien, hein? Hey, ça ventile. On dirait que le cerveau veut sortir avec. Ouais, mais toi, il n'y a pas de. C'est vrai, il n'y en a pas d'existence là-dessus. Ce n'est que du vent. Alors, le Superman et le Popperman, j'explique, j'y vais. Oui, le super-héros que je suis, en miniature, car tout le monde voit le zéro dans mon. Dans mes moyens assez limités de vouloir vous parler ce soir. Ah, mon Dieu, c'est pas limité, c'est corrompu. Corrompu, pas comme le gouvernement, un peu. C'est corrompu par trop d'idées en même temps. Sais-tu pourquoi le bégaiement existe? Pour faire rire de nous? Non, non. Ben oui, aussi, sais-tu? Est-ce drôle? La personne qui est à l'autre bout, bon. Ça va prendre 15 minutes. Non, elle part en deuxième. Il part pas. T'as-tu mis la clé dedans? Il veut rien dire, mais là. Oui. Monsieur. Mission de 120 minutes, là-dessus, là. Ben, vas-y. Plus tu dis ça, plus il s'excite, plus son cerveau veut dire plein de mots en même temps, puis ça se bouscule. Ça, là, c'est comme au cinéma. Des premiers temps. La pellicule est inflammable. Les feux dans les cinémas étaient fréquents. Les morts étaient fréquents. C'est pour ça qu'on appelle le cinéma. Hein? Comment on appelle ça? Donc, la machine à diable, la machine de diable. Où est la machine? Ou l'invention du diable. Quelque chose du genre. Là. Mes cours en cinéma, là, c'est une formation universitaire en cinéma. Ça n'apparaît pas. Mais auprès de tous mes professeurs, je vais les nommer ce soir. Non, arrête, ils vont t'actionner. Hey, c'est vrai. En tout cas, la machine à. Écrivez-moi à Rénal Québec, à commencer à l'admin.com, là, où je vais réviser mes notes. Et, ouais, c'est ça. Donc, ça passait au feu, les cinémas. Et tout le monde voulait sortir. C'est pour ça qu'il y avait des morts. On se bousculait vers la sortie. C'est comme ça un bec. Ça se bouscule vers la sortie. Trop de mots, trop d'idées, trop. Nous sommes trop brillants, nous, les bègues. On fait partie du groupe. Il y en a des bègues là-dedans. Ah, mon Dieu, mais pas anonymement. On est vu tout le monde. On est entendu, surtout parce que vu, on voit la bébine. Alors, entre la Popperman et le Superman, il y a des moments où on veut voler, comme l'oiseau. Et d'autres, on veut s'échoir sur la Popperman. Parce que le héros, s'il vole, le Superman, s'il vole, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il mange la Popperman. Pas de Popperman, pas de vol, pas de super-héros, y a rien, là. Y a absolument rien. Batman, pas de Popperman, c'est rien, là. Sa cape, là, s'il a fait lever, là, parce qu'il a pris une Popperman bleue. Et la Popperman bleue, c'est pas rouge, là. C'est bleu. Avez-vous éternué, madame? Non. On a coupé, ça fait un. Oui, on s'en ont pas rendu compte. Comment ça? Ils étaient occupés. À quoi? Mais là, je te demandais, on met-tu de glace dans le verre ou on met-tu les glaces à côté du verre? Puis en plus, on va le glisser. On va glisser les glaces dans le verre par la suite, comme ça. Hein? Il va avoir fondu légèrement, les glaçons. Puis là, quand on va faire ramener ça dans le verre, ils vont être plus petits. Comme ça, ça va en prendre plus. Plus de petites glaces, plus de fraîcheur, plus de fraîcheur, plus de froidure, plus de froidure, plus d'intérêt pour les papilles. Ça n'a jamais été cohérent. Vous aimez pas ça? On n'a jamais aimé. Bon, ben écoutez, vous êtes positif. Alors, Superman vole. Puis à un moment donné, là, il commence à descendre. Il commence tranquillement. Puis là, son nez pique. Et quand ça pique, il zioute rapidement où on va trouver de la Purple Man. S'il veut revoler. Là, il regarde dans, à travers les nuages, hein, y a juste la guimauve dans les nuages, puis y a pas de maudite paparman. Toutes les paparman, j'ai pas dit les mamelons, j'ai dit toutes les paparman. Toutes les paparman s'éloignent de lui pour rire de cet individu qui se croit suprême. Batman! Superman! Andromane! Eman! Eman? Ben oui. Eman! Eman! Eman, c'est pas un super-héros. Non, c'est, mais ça devrait l'être. Hein? On l'a pas encore colonisé. Il n'est pas encore rentré dans les Québécois les plus connus et reconnus. Et ridiculement reconnus. Quoique, on sait que le ridicule ne tue pas, mais ici, c'est bien apprécié. Hein? On a pris, on aime ça. Ah, pardon? Oui? OK. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même à Errance Rénaldienne. On écoute quoi? On écoute flatulence. Va dans la sienne. Va dans la sienne de quoi? Dans la sienne de dans son canal. Oh! À travers ses canaux. Oh! Puis ensuite, as-tu autre chose à dire? Oui. Monte sur un cheval pour atteindre les chevaux. Hey, yeah. Mange avec l'orignal pour trouver les orignaux. Oui, j'étais un caporal et maintenant je suis Coco. Coco and Co. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, la preuve? Hein, depuis tant de temps, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, aujourd'hui, non, l'absurde aventure. L'absurde aventure. Et voyons, les feuilles étaient mêlées. Non, c'est mes doigts qui se sont entrecoupés. Aïe, donc. C'est comme des ciseaux. Alors, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres. Diégétique, votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 22 juin 2012. C'est beau l'été, ça sent bon l'été, les filles sont belles l'été, les gars sont cons l'été, hein? La voiture, ben c'est les vitres, la musique, allez la gonzesse, regarde-moi là, hein? Je vais la bagnole. Rénal Gagné, en autobus, tire sa vitre d'autobus, toutes les vitres sont d'une saleté épouvantable et repoussante. La fille rigole au loin. Et avec son signe de la main, connu et reconnu dans la francophonie la plus profonde. Non, j'ai pas dit qu'il est la plus profonde. Non, non, j'ai dit la francophonie. Okay. Et avec mes... On va dire bonjour, bonjour. Mais dans l'autobus, de quoi t'as l'air? Pas grand-chose. Il te manque la bagnole. Il te manque la musique, hein? C'est quoi? C'est de la musique. Oh! Quelle est la belle inconnue? La femme en bleu sur la salle table. Ça attire pas la fille. Ça attire d'autres. Non, pas la bonne fille. La fille qui se transforme plus tard dans la soirée en ton semblable. Oh mon Dieu, quelle horreur! Aujourd'hui, le vendredi 22 juin, je m'appelle Gaétane et après je m'appelle Gaétan. Oh! Je m'appelle Réjeanne et après je m'appelle Réjean. Oh! Je m'appelle Claudette, après je m'appelle Claude. Oh! Rénal et Rénaldine. Oh! Eh bien, ça, c'est l'inverse. Oh, les inverses. Ah, ouais, là. Recto verso. Recto verso. Vous êtes belle. Vous êtes belle. Recto verso. Aujourd'hui, le vendredi 22 juin, c'est propre, hein? Ouais, c'est beau, là. Moi, j'ai dit, quand tu fais une émission semblable, là, si ton micro n'est pas propre, que ton public dira-tu de toi? Qui, voyons, c'est clair comme du chiffon gît. Du chiffon pas si gît que ça, parce qu'il il n'est pas par terre, donc il ne gît pas. Ce n'est pas un chiffon gît. Hein? C'est épouvantable, hein? C'est odieux. Didier Odieux, là, c'est le grand chanteur belge. On a frappé à sa porte régulièrement. Il veut pas ouvrir sa réputation. Une réputation, ce gars-là, là. C'est pas n'importe qui, Didier Odieux, là. C'est pas Raymonde Poitras, chanteuse country par excellence dans les soirées de danse en ligne. Eh, hey, monsieur, danse en ligne. Juste ça, là, ça sonne. Bonjour, ça va bien? Oui, vous faites de la danse en ligne? Oui, sur des poteaux de téléphone. Oh, la ligne téléphonique? Oui, ça rit pas, hein? Ben oui. Avec les petits oiseaux qui sont perchés. Oh, aujourd'hui, le vendredi 22 juin 2012, il y en a des oiseaux le 22 juin. Ah! Deux jours avant. Avant le 24. Oh, la fête nationale! Jean du pays, c'est votre tour. C'est pas vrai, mais j'espère. De vous laisser parler à vous. Jean du pays, c'est votre tour. De vous laisser parler. Hein? Gilles? J'espère qu'on va se séparer avant la fin de ton existence. D'amour. L'errance rénaldienne présente plusieurs routes pour vous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète Éric Vincent. Éric Vincent vit sur une péniche au cœur de Paris. Il ne compte plus ses tours du monde et ses produits dans plus de 140 pays. Né dans un village de la Mayenne, il aborde la musique dès l'âge de 7 ans. Il s'accompagne très vite avec une grande habileté pour rechanter les succès de l'époque. Adolescent, il n'échappe pas à l'attraction du rock and roll. Et ça, c'est pas mon ami Vincent, là. C'est Gagné. Et on gagne pas à chanter du rock and roll avec Ronald Gagné. Adolescent, oui. Première chanson, mais apporte, comment dire, il découvre Miles Davis et se passionne. On dirait que je suis en train de lire le prion à l'église. Amen. Amen. Amen. Amen la musique. Amen la musique. Amen la musique. La nuit est froide, je suis assis, resté en rade, tu m'as menti, mais les envies. Pas avec le rock and roll, c'est une affaire classe et décée. Mais en plus, donc sur scène, ça a été une leçon formidable, quoi, de quelqu'un qui avait un contact avec le public, qui faisait participer son public, qui avait une communion avec un public qui me semblait formidable et que j'ai l'impression de temps en temps de rencontrer avec le mien et que j'apprécie beaucoup. C'est ça pour moi la chanson. Une espèce de fusion avec les autres, une espèce de moment privilégié où on... Oui, le mot communion est juste. Mais votre grande carrière, vous en avez rencontré des artistes, vous en avez côtoyé, vous avez travaillé avec certains, vous avez sans doute fait des duos Des duos, est-ce que j'ai... Avez-vous rencontré Félix Leclerc? Non, hélas, je l'ai vu sur scène, Félix. Okay. Félix, je l'ai vu. À Paris au Québec? Non, je l'ai vu à Bobino. OK. Je ne l'ai pas vu au Québec. Non. J'ai un ami qui était son éditeur, qui travaillait avec lui, qui s'appelait Yvan Gadois. Oui, Yvan Gadois, oui. Yvan Gadois, donc je n'ai pas eu de nouvelles depuis bien longtemps. Okay. Je ne l'ai pas vu au Québec, je l'ai vu à Paris. Je l'ai vu, À Bobino. À Bobino, oui. Et vous avez C'était formidable, je le revois avec poser le pied sur son tabouret. C'est super. Avec la petite, avec la guitare qui était bien levée. Et le petit bonheur a bercé mon enfance. Comme l'enfance de beaucoup de petits bonheurs. De francophones. En France, ça a été un énorme succès. Oui. Ouais. Comme Raymond Lévesque avec Quand les hommes vivent en amour. Raymond Lévesque, c'est formidable. C'est la plus belle chanson francophone au monde. Mais oui, et je l'ai chantée d'ailleurs. Ah oui. Mais Raymond Lévesque, il y a une histoire aussi. Raymond Lévesque a écrit cette chanson au Port du Salut. Exactement. Alors, vous connaissez l'histoire? Alors, le Port du Salut, moi j'ai séjourné pendant 7 ans. Okay. J'ai commencé le Port du Salut avec Coluche en 73, et j'y suis resté en partant dans mes îles lointaines ou dans mes tournées. Mais en y revenant toujours. Mais revenant. Pardon. C'était mon port d'attache, le Port du Salut. J'ai d'ailleurs écrit une chanson sur le Port du Salut qui s'appelle le Port du Salut. Ouais. Et... Donc, dans ces 7 ans de présence au Port du Salut, j'ai pu voir... je connaissais l'histoire de la création de « Quand les hommes vivront en amour » au Port, mais j'ai vu Raymond Lévesque revenir pour je ne sais quelle occasion. Je crois que c'était l'anniversaire de Masbeuf. Masbeuf était un des deux patrons du Port, Jacques. Je ne sais plus si c'était son anniversaire, l'anniversaire de Françoise, l'anniversaire de Raymond Lévesque, l'anniversaire de l'écriture de la chanson, je ne sais plus. Mais Raymond est revenu. Et je me souviens de cette soirée au Port. Il y a eu plusieurs soirées, mais il y a une soirée extrêmement forte où là on a tous chanté ils étaient sur la scène avec Masbeuf, et sur la scène chantait c'était super. C'est mémorable, une chanson rassembleur. C'est une chanson qui... C'est formidable. Oui. Formidable, quand les hommes iront là-bas. Et si... Quel message? Oui, qui ne vieillit pas. C'est un constat de l'humanité qu'il avait qu'il a offert au peuple. Est-ce que vous réécoutez vos anciens disques ou si vous êtes au contraire... Vous êtes dans le moment présent, vous travaillez sur les futures chansons. Êtes-vous un nostalgique ou si vous... Je suis pas un nostalgique, non. Êtes-vous curieux de ce que vous aviez fait, ce que vous avez fait avant de... Oui, enfin... Oui et non. J'écoute tellement mes disques quand je les fais. OK. Parce que je crois être très autocritique et je ne supporte pas de laisser passer un truc qui me dérange. Et il y en a eu dans le passé quelquefois. Alors ça me dérange de les réécouter. Mais c'est vrai, quand je retombe sur un disque du passé qui me retombe dessus comme cela, il y a des choses que je suis content d'avoir faites. Lesquelles, entre autres, que vous revendiquez encore aujourd'hui? Je ne sais pas, il y avait ces disques qui ont fait mes premiers succès dans les îles de l'océan Indien, qui sont Bénarès, et je me suis coupé la main. C'était des disques où j'avais travaillé. Ça avait été un premier travail aussi avec un groupe de musiciens. C'était pas ceux d'aujourd'hui. C'était de grands musiciens. C'était André Tchekarelli à la batterie, c'était Eddie Louis à l'orgue. Enfin, c'était vraiment des musiciens. Des méga, dans le jazz. Thank you. over us right here. Là, le Wayne est vraiment en dehors de tous les propos que l'on peut se poser à cet instant. Parce que là, est-ce que la Terre est ronde ou si c'est une planche à repasser? Mais est-ce qu'on peut repasser là-dessus? Non, non, non. C'est existentiel. Quand c'est existentiel, ça veut dire que... C'est la pierre angulaire de toute réflexion fondamentale dans un parcours intelligent vers une meilleure compréhension de la vie. Ah, ben voyons. Là. J'ai rien compris parce que je me demandais, moi, là, si je me fais ma pizza, là, puis elle n'est pas ronde, mais plutôt carrée, que je rajoute de la tomate par-dessus, que je place ça au four, est-ce que la tomate va régurgiter son eau, puis qu'elle va rendre ma pâte trop molle, elle ne durcira jamais. Hey, c'est pas important, la Terre est-elle ronde ou plate? Mais Galilée s'est penché sur la question, puis s'est donné un tour de rein, lui-là, là, avec sa jumelle. Ça s'appelait comment, sa jumelle? Roxane. Oh mon Dieu, une don prédestinée. Oui. Même le groupe La Police, oui. C'est même, elle aussi, le groupe s'est penché sur la question. Toujours un tour de rein. Faut jamais se pencher sur la question. Aïe, aïe, donc, regardez, là, je voulais me pencher sur la Terre plate ou la Terre ronde. Aïe, aïe, donc. Mal de dos, troisième degré, moi, là, ceinture noire. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça va faire mal pendant toute l'émission, là. Il y a pas des anti-inflammatoires ce soir. Non, c'est cette nuit, des anti-inflammatoires. Ce jour... Hey, il y en a pas d'anti. Il y en a jamais eu, il y en aura jamais d'anti-inoxydant, d'anti-huilaire, d'anti-radiophonique. Ah oui, c'est anti-radiophonique, ça, les rangs canadiennes. Ça se veut en dehors. C'est tellement en dehors que même l'heure est... C'est vrai, c'est tard, hein? C'est très tard. Mm. Un peu, là. Mouille ta babine. Mm. C'est très tard. Faut pas oublier de mouiller la babine pour faire le... C'est de la pratique à la maison, mesdames, mesdemoiselles. Vous voulez faire... Vous voulez pénétrer en comédie? Vous voulez faire des films, du théâtre, tout en restant habillé? Parce que très souvent, hey, les réalisateurs, hey, le scénar impeccable, c'est impeccable. Le scénar impeccable. Il y a de l'action, il y a aussi des moments d'émotion, d'amour. Fous-toi à poil. Écoutez, c'est écrit, non, je ne reviens plus. Oui. Mais pour l'intensité dramatique, fous-toi à poil. Mais c'est pas dans le scénario. On le rajoutera plus tard, fous-toi à poil. Mais là, c'est... Est-ce que c'est pour vous ustenter? Vous qui? Vous ustenter? On ustente personne ici, là. Si vous n'êtes pas contente, là, allez marcher votre gabarit. Ben oui, mais là, c'est parce que c'est pour un radio-théâtre. C'est à la radio, ben oui. Pour bien voir la compétence de l'actrice. Ah, ben c'est ça, l'exploitation faite aux femmes. Ben voyons! Restez inconnus, vous là. Vous allez faire partie de la relève jusqu'à une Vitam Popperman. Sans super-héros, sans super-zéro, sans rien. Vous méritez juste ça. Pas plus. Y'en a-tu du monde qui font partie de la relève qui sont jamais relevés? Hé, hey, 25 ans dans la relève, toi là. Aïe, aïe, donc! Toi aussi, tu vas te faire un tour de rein. Eh, hey, monsieur! Pourtant, j'ai la gorlotte. Regardez. Aussi vrai que la terre est ronde. Hey, ça, c'est de la belle gorlotte. Cette semaine, et ça, jusqu'à épuisement du concept, voici ma Monique Lérac. Juste ce soir, entre toi et moi. OK. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « pression ». On a de la pression dans notre société, on a de la pression à gauche, à droite, dans le milieu. Ben, moi, si j'étais une bouteille de champagne, je mettrais de la pression pour sortir le goulon de mon émotion, pour m'éclater en éclats et faire plaisir aux papilles. Papilles, papilles! On va le taper, on va lui demander. Papilles! Papilles! Ouais. Papilles, c'est toi, papilles! C'est moi, papille, c'est moi, allez, relax, papille. Ben là, j'ai papille. Oui, c'est moi, papille. Ben, papille, calme-toi. Je peux pas calmer. Ben, mettez-le, couchez-moi ça. Enlevez-moi ça de la radio. Là. Vous êtes pas radiophonique, monsieur papille. Radiophonique. Eh, monsieur. Un autre qui a pas de sens. Il y a pas. C'est unique. Oui, c'est un sens unique. Non, c'est un cul-de-sac, monsieur. Un cul-de-sac. Ah, mais il n'y a pas l'odeur. Pas de musique? Non, non, il n'y a pas de musique. Non. Il y a trop de... Eh oui, c'est ça, on nous demande, y a-t-il des propos? Mais c'est décousu, hein? On n'a pas, on peut pas raccommoder. Il n'y a pas de fil. Le fil conducteur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de couturière ici. Non. Il n'y en a pas de montage, de coupage, de recoupage, de transage, de tranchage. Il n'y a que des trans. Hey, monsieur, êtes-vous en transe présentement, monsieur Gagné? Pas du tout. Je suis en colère. Trop de pression en 2012. Trop de pression cet été. Et hey, là, c'est hey, pendant nos vacances, qu'est-ce qu'on va faire pendant nos vacances? Juste 3 semaines, puis on a l'agenda pour 2 ans. C'est... Tondre la pelouse. Tondre mon épouse. Excuse-moi, ma belle. Tondre mon épouse. Ah, c'est la pelouse. Tondre la pelouse de mon épouse. Oh! Ben oui, parce qu'on vit dans un jumelé. Hein. Elle était à droite, elle a toujours été à droite. Puis moi, je suis un garçon de gauche, hein, vous savez. Alors, d'abord... Quand nous chanterons le temps des cerises et guerres au signal, les mères, le moqueur seront tous en fête. Nous aurons le plaisir ou pas. Hey, vos vaisselles vont exploser. C'est... Revenez pas contre moi. N'envoyez pas un courriel à rénalquebec@commercial.com. C'est pas très, très motivant pour moi de savoir que Mme Tremblay a fait a vu exploser son verre de champagne. Et surtout que le bouchon ne voulait pas péter. Non, c'est explosé. Explosé, péter, explosé. Est-ce que c'est la même chose? Et... Est-ce que c'était, comment tu appelles ça, donc ça inclut, inclusion, non, c'est d'introspection, c'est à l'intérieur ça. Implosion, à rentrer vers l'intérieur, essaye de rentrer un bouton de champagne, oui. J'ai le bouton qui colle, je ne sais plus pourquoi. Je le sais, moi, pourquoi. Trop de pression, on perd la tête dans trop de pression de même, là. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, se sentir, juste se sentir, les uns les autres. Non, excuse-moi, c'est pas ça. Se sentir dans une prairie. Pas la petite maison dans la prairie, mais une prairie. Pas de maison. Pas de Laurent Gals, pas de structure patriarcale. Juste simplement un champ. Il y a un champ de blé au milieu de mon étable. Deux belles vaches s'en vont traitant, cherchant le lait. C'est moi, je suis très laid, hein? Donc vous n'êtes pas très beau, c'est vrai, vous êtes cherché le lait. Il est là, c'est Rénal. Cherchez le lait qui se séparera entre le bas et le Haut-Canada, terre de nos aïeux, tirez-lui la queue. Il pondra plus fort. Non, ce n'est pas de l'or. On va demander à Muriel. Muriel Milord. Dis-moi ce soir. Et monsieur, oui. OK. Si je ne suis pas en train de malanguir. Oh, ça oui. Avez-vous senti le tournant? Oui, ben parce qu'on voulait trouver la petite étincelle, celle qui nous éclabousse l'intérieur de l'iris et surtout la matière grise foncée que l'on appelle. Mais non, c'est pas de la tête fromagée, c'est pas des cretons. Quoique, cretons, c'est bon, des petits cretons. Arrête de parler de nourriture. Ben, ce n'est que ça dans ma vie, la nourriture. Oh. On y va. Ben oui, mais c'est ça, j'ai dit. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Tout a explosé. Germaine. 22 juin. Aucun juillet. C'est la manière dont on veut s'exprimer cet été. Cet été, je ferai un jardin. Especially trendy in a club of cotton song. There's life after work, and it can be such fun. They see I am models and magazines are on the walls. They wanna be just like them, cause they're so cool. They're just narcissists. But wouldn't it be nice to be Dorian Gray? Test for a day. They're just narcissists. Oh, it's so great to be Dorian Gray. Living in a looking glass as the beauty of life goes by. You're going to be so old. You're going to grow so old. Your skin's so cold. Dans le jazz, est-ce que c'est le bouche à oreille? Enfin, moi je recrute pas, moi je suis un amoureux, okay. Même si je suis violoniste à l'origine, j'étais très vite amoureux du jazz. Et quand on est amoureux du jazz, qu'on a 20 ans, on traîne dans les boîtes. On n'en sort jamais. Hein. On traîne dans les boîtes de jazz rencontre, on s'approche de musiciens qu'on admire. Moi, Eddie Lewis, j'avais une admiration pour l'organiste Eddie Lewis. Il reste toujours mon organiste. Moi, j'entends 15 secondes à la radio, je dis c'est Eddie Lewis, voilà. Je reconnais sa façon d'improviser. Il y a la facture, vraiment. Il est extraordinaire. Et bah voilà, on s'approche des gens, on a des affinités, et puis on se rassemble musicalement. Et ça s'est passé comme ça, toujours, moi. Ça a toujours été... Mais on se rend compte aussi, une fois qu'ils ont travaillé avec vous, ils veulent encore travailler avec vous. Ils se greffent à vous. Oui, là, je crois qu'on était tous... Je reviens au dernier album... On était tous effectivement pas autosatisfaits, mais on était contents, heureux de ce qu'on avait pondu. Vous avez commencé le violon très jeune. Oui. Enfin, très jeune, j'avais 7 ans, 6 ans. C'est jeune. Oui, c'est limite pour moi. Il faut, enfin, c'est pour bien. Être un virtuose, c'est ça? Il me semble que le violon, c'est bon. Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je crois qu'il faut le commencer jeune. Il y a des, mais le piano, c'est probablement la même chose. Moi, j'ai pris le piano très tard, bien plus tard, puisque ça a été violon, ça a été banjo-mandoline. Vous, Banjo Mandolin? Oui, okay. Bah, c'était le seul banjo que je pouvais tenir dans mes petites mains, parce que j'avais... Et puis, comme on me trouvait talentueux, on m'a dit... J'avais un oncle qui avait un violon, on m'a mis comme ça. On m'a dirigé sur des études classiques, c'était plus sérieux. Ah ouais, bah. Plus sérieux que... Et donc, j'ai fait du violon, et puis là, j'ai mordu la belle dent dans le violon, que j'ai adoré tout de suite. Allez, vous faites le conservatoire? Non, parce qu'en province, on n'avait pas, moi j'étais donc ouais. À Laval, on n'avait pas de conservatoire. On connaît très bien. Donc, mais j'avais un prof qui était un prof du conservatoire, il y avait des gens très très sérieux qui m'ont donné les bons plis et voilà. Et donc je crois qu'il faut commencer très jeune, c'est presque physique pour avoir ce... Mais vous en jouez plus de violon ? Alors, j'ai abandonné le violon à plusieurs reprises pendant des années, je l'ai repris, je l'ai réabandonné et... C'est pas moi qui en joue sur mes disques, mais enfin là, c'est moi qui écris l'équateur à cordes, et puis je les joue pour faire mes maquettes. Je continue, je peux. Je prends les Brandebourgeois, je les joue et ça m'amuse. Et si j'avais un peu plus de temps, j'en jouerais encore plus souvent. Vous faites combien de concerts par année ? 200, 200 ? Oh non, pas tout ça, non. Vous avez ralenti un peu. Les États-Unis, il y a une. Non, je fais une. En tout, je fais peut-être 100 concerts par an. Même pas. Aux États-Unis, je fais à chaque fois une trentaine de concerts. Non, mais il y a plein d'autres choses. Enfin, je veux dire concerts, mais je fais plein d'autres choses. Enfin, ok, oui. Mais déjà, préparer un album, c'est beaucoup de travail, hein? Oui, l'album, c'est... Oui, c'est du travail. On ne peut pas faire un concert lorsqu'on fait un album. Non, un album ou un concert. Oui, tout à fait. Et celui-là, est-ce que vous l'avez déjà lancé ou si vous êtes au début de Alors la là, tournée? on est au début de la promo de l'album. Ah, la promo, mais... La promo. Mais... L'album, en fait, on le trouve. Il est en ligne. Il y a une boîte que tous les indépendants connaissent, qui est CD Baby à Portland, qui distribue très très bien dans le monde entier, et qui, moi, gère mes distributions de disques, mes téléchargements et tout, depuis des années, ils le font très très bien. Ça, c'est un point, donc le disque est disponible. Mais, physiquement, sur la France, physiquement, le disque, il ne sortira qu'en septembre, que le 20 septembre. Ok. Il est disponible en MP3. Non, il est même disponible. Non, physiquement, en fait, on peut le commander par CD Baby en ligne. Ok. Mais il ne. Le lancement officiel. Le lancement chez les disquaires. Ok. Ou ce qu'il en reste, parce que là. Même la Fnac ne veut même plus vendre de disques. Ça disparaît, hélas, ça aussi, ça c'est les. Internet, Amazon.fr. Ah, bah alors là, ça, on trouve mon disque. Ça, c'est CD Baby qui me gère tout ça. Ok, parfait. Mais on peut les trouver directement sur Amazon, partout. Oh, oui. Et on peut les télécharger sur iTunes, sur Napster, absolument. On écoute les pièces, on peut même commander celles que l'on préfère. Il voilà. y a tout, ça c'est pas de problème. Mais on le mettra quand même en place chez les disquaires, et puis dans les Virgin, les Fnac et autres. Et ça sera au mois de septembre. Told if you want to make it in this game, gotta have the luck, you gotta have the look to make what. I'd quite like to make it through the night. My heart beats slow, fast, don't feel right. But light of hand, I might die. What about you over there? Well, do you think I care? Well, I know, you know, I know. And to the man who would be king, I would say only one thing. And to the man who would be king, I would say only one thing. La la la la la la la la la la la la. Tomorrow, I don't look at me that way. Well, I hear the words you say, but my heart is gonna stray. When you watch friendship slip away, but there's a death that's supposed to be that way. I live my dreams today, I lived it yesterday, and I'll be living yours tomorrow. Anything else to say? I lived my dream today, I lived it yesterday, and I'll be living yours tomorrow. So don't look at me that way. What's about you, Nancy, my dear? What's about you, Nancy, my dear? What's about you, Nancy, my dear? What will you do if she comes here? If she'll kill me, then the other one will kill me. And to the man who would be king, I will say only one thing. And to the man who would be king, I will say only one thing. La la la la la la la la la la la la. Il pleure le petit, c'est Rénal. Oh, le petit. En parlant de barreaux, hein, parce qu'on a évoqué les barreaux tout à l'heure. Non, je ne suis pas avocat. Non, pas cet avocat-là, mais les lignes, les barreaux. On va demander à Christine Barreau de quoi elle est. Comment elle trouve cette formulation de l'homme à rayures. Ah, Christine Barreau, s'il vous plaît. Elle n'est pas là. Elle, ben voyons donc, nous étions en communication il n'y a même pas 30 secondes. Ben, il est trop tard. C'était une longue distance. Oui. Et tellement long que la distance a coupé. Comment la distance peut couper quand on fait une longue distance? Ben, c'est trop loin. Ben, c'est pas, hey, c'est pas oser le mout. Prouver ça, moi, m'en rappeler. Je vais m'en rappeler, puis je vais rappeler. Numéro de Christine Barreau, s'il vous plaît. Donne-moi Christine. Non, donne-moi le numéro. Regarde, ça me pompe. Numéro, ah oui, Christine Barreau. Ah oui, numéro Christine Barreau. Longue distance, pas si longue que ça. Paris, Tavernay, voyons donc, on n'est pas aux îles mout. Christine Barreau. Fait le plus, là, zéro. On est sur cellulaire, on est sur soyons là, on est ici, sur moi, c'est ça m'excite, moi, là. Christine Barreau. Longue distance. 2012, longue distance. Hey, on peut parler aux intraterrestres, là, puis appeler à Paris, c'est la communication. La communication n'est pas établie. Hey, établis-moi ça, là. Je paye, je veux l'établissement de toutes mes connexions. Ouais. Déjà, dans ton cerveau, oui, il n'y a pas tout à fait les connexions adéquates pour faire une émission internationalement comprise, puis même nationalement, puis régionalement, puis dans ta rue, puis dans ton appartement, puis dans ta chambre, puis dans ta studio maison. Personne ne comprend rien. On comprend rien. On ne voulait pas te le dire, mais on comprend rien. Comprends pas quoi? Comprends rien. Comprends rien. Tu parles, comprends rien. Voyons donc, tu comprends pas? Non, rien. Ben, Est-ce que tu m'entends? Oui. Ben alors, tu comprends? Je comprends. Je comprends rien. Mais c'est ça. Bon, toi, fais comme la plupart des gens, là. Mets des œillères. Le cheval a des œillères. Sais-tu pourquoi le cheval a des œillères? Non, je comprends rien. Ben voyons. C'est pour pas l'exciter, pour pas qu'il voit au-delà de son champ de vision. Si tu l'excites, là, à droite puis à gauche, là, il va prendre le mort aux dents, comme les animateurs de radio ou anarchistes. Faut pas qu'ils prennent les morts aux dents, les morning men, oui, mais pas les... Encore là, un terme anglais, quelle horreur! Les animateurs du matin, du petit matin... Non, ne me saupoudre pas de sucre à glacer sur mon beigne entrelacé de chocolat. Hey, sentez-vous, madame, que, hormis la nourriture, hormis les demoiselles, hormis la joie de vivre, hormis tellement, tout est évoqué dans cette émission-là pour nous donner le goût de vivre. C'est écœurant! C'est épouvantable pour régler ça, rayer ça, mets ton crayon feu 3 pouces, barre-moi ça, cette émission-là. Là. La joie de vivre, là, c'est pas ennemi maintenant. Faut souffrir. Faut être comme un poète. Quoique, il y a des poètes qui sont plus rigolos, mais des poètes rongés. Rongés par l'existentialisme. Où m'en va ma vie, s'en va ma vie? La vie qui n'est plus que le flux du fruit de mon existence. Où s'en va mes pas, où s'en vont mes pas? S'abonner mes pas pour qu'elles amènent. Mais voyons donc, t'as le congé, mais j'essaye. Oui, mais la conjugaison va avec l'heure. Il est l'heure de conjuguer le verbe amour, le verbe aimer, le verbe amour. Ah ouais, donc, j'amour, tu amour, il amour, nous amourons, vous amourez, ils amours. Et le verbe aimer, lui, c'est pas un verbe, c'est un nom. Ouais, un nom. Ah oui, aimer, c'est un nom. Rénal aimé, Marcel aimé. J'ai aimé, j'ai tant aimé mon nom que je me suis épousé moi-même. Pour le pire et le meilleur. Je n'ai jamais eu les meilleurs, donc je m'attends au pire. Quoique. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. C'est incroyable. Une consonance de l'esprit. Là, lorsque je vais me réécouter là, pour faire le montage, je vais sourire là, comme un imbécile. Hey, c'est bon. Puis là, après, lorsque ce sera le temps de l'émission, je vais dire, c'est pas vrai. Ça joue pas. Heureusement que j'ai pas de nom à... Comment t'appelles ça? De nom? Non, je n'ai pas de nom. Rénal Gagné. Tu pas ça? OK. Ticu Baudouin. Ah, ben ça, c'est mieux. Une consonance de l'esprit nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les séchoirs. Non, allons planer vers les couloirs. Hey, monsieur, ça va bien? Oui, c'est que j'ai la lunette levée et le menton courbé. Donc, c'est le menton m'empêche de lire puisque j'ai la feuille en dessous de l'os. Lorsque tu comprendras, tu riras. Ben, il n'y a rien de drôle. Okay. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Amène ça. Amène-moi au bout des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre. Ça, c'est en bas, là. C'est le noyau. Emmenez-moi au creux du noyau. Et je veux que tout soit beau. Et surtout qu'on ne me réveille pas si tôt. Comment? J'ai dit, et surtout qu'on ne me réveille pas si tôt dans l'autre monde. Alors, l'atelier d'improvisation, le mot, c'est puis. En parlant de profondeur, un puits. Non, c'est pas ce puits-là, c'est puits, 3 points de suspension. Ah oui. Comme en art dramatique, allons-y d'une manière théâtrale. Puis, elle s'étonne de tomber. Excusez-moi, je voulais pas intervenir. Là, c'est moi l'auteur de cette tirade, oui. J'ai très mal joué. J'ai très mal joué. J'avais dit au con médien. très plus con que ça, là, ça peut pas être médien. Là. Vous êtes beaucoup plus con que médien. Merci. Vous êtes un con médium. Non, c'est, on dit un con médium. Mais vous êtes dans le médium. Mmh. On n'a pas de budget, c'est pour ça qu'on est prêt avec ça. Là. C'est pas puis elle s'étonne de tomber. Ben, c'est écrit ça. Ben, oui, mais ben, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Moi, je suis l'auteur. Êtes-vous à la hauteur de votre. Non, il n'y a pas d'auteur. À la hauteur de la moins exigeante, moi, je les crapais l'auteur de Gabalara. Hey, wow! Ah, on va recommencer. Oui, monsieur. Alors, allons-y, art dramatique. Fâchez-vous pas, on se fâche pas. Puis, hey, là, les gens sont comme un peu mêlés avec les personnages. Ils ont comme la même voix, ils n'ont pas comme. Ils n'ont pas comme. Si vous avez l'œil intégral, là, puis l'oreille symbolique, là, ils n'ont pas comme. Ils n'ont pas comme quoi? Ils n'ont pas comme la même voix. C'est la même tonalité. L'autre, joues-tu de la guitare, toi, là? Non. Ben, tu sais, un do bémol puis un do dièse, c'est pas la même chose. Ah, c'est vrai. Alors, ben, vas-y. Puis, elle s'étonne de tomber, OK? Puis, elle s'étonne de tomber. Bravo, c'est ça. OK, on recommence, oui. Alors, c'est le bon jet, OK? J'aime ça, le bon jet. Allez, vas-y, Rita, c'est le bon jet, là. Ouais, avance-toi, c'est le bon jet. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Tout plus. Les enfants sont prêts. Puis le bon jus. Puis le bon jus. Non, c'est pas le bon jus. Le bon jus. Non, non, c'est pas le jus. Il n'y a pas de jus. Tranquille. Silence. Puis, elle s'étonne de tomber. Surtout au mois de juin, où tout doit pousser, tout doit renaître, tout doit fleurir. Elle s'étonne de tomber. Mais là, devant elle, il y avait la pelure de banane. Mais elle s'étonne. Elle s'étonne de tomber puisqu'elle évite. Elle monte à travers tout ce chemin qui l'amène entre les mains de la création. Cette nymphette de 3 printemps et de 18 étés. Hein? C'est-à-dire, ben, bisextile, c'est très bisextile. Je vais vous raconter, monsieur le juge, c'est bisextile. C'est-à-dire 4 ans. OK, 4 ans. Alors, 4 ans en année. Hein? 4 ans, c'est mon ami. Non, mon animal préféré, c'est pas là-bas, non. Mon ami, ça va bien, ouais. 4 ans bisextile, exactement. Alors, si je dis 6, ah, c'est 6 fois 4, bisextile, hein, dans la tête, bisextile. Faut que ça sonne bisextile. Alors, puis, elle s'étonne de tomber. Ouais, mais là, la pomme, c'est pas comme Guillaume Pelle. Alors, arrête d'éplucher, mon Guillaume, là, puis place-toi ça sur la tête. Et moi, j'ai peur parce que j'ai déjà vu Galil. Regarde-le avec sa flèche puis son arc. Tu veux que je me mette ça sur la tête? Tu veux me tuer? Tu veux. Je ne veux rien, mon enfant. Je ne veux que passer à l'histoire. Histoire de rire? Non, histoire de te... Hein? Ouais, je suis un éleveur de porc. Est-ce que ça paraît... Ah, oui, je fais du mimétisme également. Je me roule dans la boue. Quelle belle aventure, hein? C'est ma femme qui n'aime pas très... On en a depuis 2 semaines, là. Elle m'a dit, on sépare les lits. Ben là, je vais pas amener ma scie, puis si elle est sauteuse, j'aimerais que tu fasses... Tu fasses quoi? Ben, que tu fasses toi-même le travail. Oh, j'ai eu peur. Tu te plaçais? Non, je me place jamais, moi. Je me recule et je regarde. Je suis un témoin silencieux. And the talk, everybody wants to cool. Juice. vous écoutais sur des réseaux, des radios françaises, puis on sent que vous, ce qui est moderne, vous l'avez bien amalgamé. Vous vous sentez à l'aise avec la modernité. Vous n'êtes pas archaïque, vous n'êtes pas dépassé par ça. Ben, qu'est-ce qu'on respire, là? L'air d'aujourd'hui. Là, c'est là. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment de ne pas être bon, déconnecté. De pas être déconnecté par rapport à ce que je ressens du courant actuel, enfin du courant réel. Mm-hmm. Je me sens en revanche un peu déconnecté de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire passer pour le courant actuel. Ah, okay. Je veux dire ce que les modes mettent en avant. Pour des raisons qu'on connaît, qui ne sont pas toujours honnêtes, qui sont de rentabilité ou de sauve. Voilà. Mais moi, je me sens être respirer l'air de mon temps. Alors, vous vous sentez à l'aise en 2011? Je me sens à l'aise en 2011, je me sens inquiet d'un monde qui m'inquiète, en fait, quand même. Quand on voit. C'est pas uniquement Sarkozy, c'est oui, c'est, bon, mais c'est aussi tout ce. La grande inquiétude, c'est le. J'ai fait suivre, ça m'arrive pas, on reçoit beaucoup de choses sur Internet. J'ai fait suivre un discours en français de quelqu'un, je ne sais pas de quelle origine il est ce monsieur, mais qui était au Japon, qui a tapé contre l'énergie nucléaire, qui me semble assez convaincant. Son discours. Alors, pour montrer les dangers. Depuis longtemps, je crois qu'il faudrait penser à l'environnement, bien avant que l'écologie soit à la mode, si on veut survivre. Et aujourd'hui, il me semble qu'on joue avec le feu, on l'a prouvé, c'est pas la peine d'en rajouter là-dessus. Ouais. Quand on voit ce qui vient de se passer à Fukushima, c'est catastrophique. Et là, ce type-là met en avant, il dit, mais vous croyez que si demain il y a des terroristes qui attaquent la France, vous croyez qu'ils vont aller taper sur la Tour Eiffel? C'est des conneries tout ça, c'est pas sur la Tour Eiffel qu'ils vont taper, ils vont taper sur une centrale nucléaire et on a beau dire qu'en France les centrales nucléaires elles sont construites de telle façon, mais c'est des conneries, il y a un risque énorme, alors que si on investissait, me semble-t-il, je suis pas un spécialiste, mais moi je suis prêt à payer parce qu'on vous dit, mais si les énergies renouvelables, les énergies nouvelles, elles vont coûter plus, mais moi je suis prêt à payer plus cher l'électricité, il faudrait que, je pense que ça vaut quand même ça. Il y a un prêt à payer, effectivement. Bon, mais. À travers vos chansons, vous en témoignez. On sent aussi que vous revendiquez, vous cherchez à allumer quelques antennes, quelques consciences. Une chanson, c'est ça, on dit ce qu'on a un peu sur la patate, on essaie de le partager et de trouver un écho. Si on y croit, on est heureux quand on trouve un écho favorable à ses idées, bien sûr. November sky, I'm into hearts inside. This is the past right here. I choose to leave it here. Cliffs loom to scrape within the bulges to oversphere. But I can see us here without the sphere. Yeah. J'appelle le téléphone. Allô, téléphone? Non, on va l'appeler, mais on va communiquer avec quelqu'un qui est au bout du fil, oui. Pour ce moment, pour ce numéro d'improvisation, utilisons la source de communication inventée par mon ami Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelques-unes. Les gens ne le savent pas encore. Entrons en relation avec quelques-uns ou quelque chose. Quelqu'un, il y a donc lâché les uns. Oui, excusez-moi, je suis à un. Oui. Oui, Gaétan, oui. Zazun ou Zazune? Moi, c'est Zinzin. Oh, ton ami Zinzin. Zinzin, c'est mon ami Zinzin. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité, là, à cet instant. Rejoignons Nicole Kidman. Là, les gens vont se dire que Nicole Kidman est anglophone. Il n'en est rien. C'est comme Jodie Foster. Elle parle français. Est-ce qu'on est Raymond? Raymond, oui, on est... Oui, allô? Nicole? Nicole Kidman? Oui. Oh, Nicole, on te réveille, je crois, là. Oui. OK. Nicole, tu es une comédienne exceptionnelle. Merci avant tout. Excuse-moi, je suis tout à fait... En dehors de ma trajectoire, normalement, je suis intelligent. Intelligent. Jean. Du pays. C'est... Nicole, tu connais Gilles Vigneault? Oui. Tu connais? Je sais que tu adores la ville de Québec. Oui. Tu rêves de tourner un jour à Québec. Oui. Oh. Je t'ai rencontré à Los Angeles au mois de mars dernier, tu te souviens? Oui! Quel beau souvenir! Oui! Nicole. Oui! OK. C'est merveilleux. Excuse-moi. Non, j'ai un fou rire parce que je suis un imbécile, Nicole, mais ça, tu ne veux jamais me l'avouer publiquement. Mais faire cette émission, quand même, ça va revamper ta carrière qui est un peu... malheureusement, éteinte. Nicole, excuse-moi, je m'éteins moi-même. Je m'éteins un chêne au creux de mon champ. Perdrai-je la tête? Oui, ta carrière est en pointe le nez vers, malheureusement, le noyau des intraterrestres. Nous en parlons depuis le début de l'émission, non pas de toi, mais des intras. Tu crains un peu pour ce qui va t'arriver plus tard. Mais mon émission risque de revamper ta carrière. Oui. Alors, Nicole, c'est toi là-bas dans le noir. Attends, ma belle blonde australienne. Je suis ton kangolo. Rentre dans ma poche kangoloute. Oui, on appelle ça, non, les gens qui rient, ce sont des ridicules. Ridicule. Ça vient de rire. Le ridicule ne tue pas. Quoique, si vous ne saviez pas que c'est une poche kangouroute, vous êtes dans un champ éloigné. Nicole, tu le savais? Oui. Nicole, non, c'était une autre nini. Oui, parce que tu sais que j'ai une chatte. Oui. Et tu sais que je l'ai appelée Nicole. Oui. En hommage à toi. La ligne est coupée, non? En hommage à toi. Oui. Ben Nicole, c'est tout le temps que nous avons pour relater ensemble autant d'intelligence qui te compose. Oui. Mais, oui. tu me perturbes. J'ai dit, tu me perturbes. OK, c'est pas ça que j'avais compris. Oh, oui, c'est ton oreille qui divague, toi, là. Là, parce qu'il y a une star ce soir, là. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nicole, c'est toi? Oui. Bon. Pourquoi Erance Renaldienne mentirait sur la provenance de cette voix venue angélique? Tu as une voix angélique, Nicole. On te l'a déjà dit? Oui. Bon, il ne manque que moi. J'ai dit angélique. Et monsieur. En plus, il est tard. Il fait noir. Et nous avons un... Oui. Et Doudou, bon Doudou! Oh, Nicole, non, lâchez-moi le Nicole! Nicole? Oui? On te lâche pas le Nicole, excuse-moi. On te garde le Nicole et surtout, on voudrait savoir, tu sais, Tom Cruise, Nicole Kidman, le film Les yeux grands fermés. Eyes wide shut. C'est de l'anglais. C'est dur l'anglais parce que c'est projeté. C'est comme l'allemand. Hey, what everything? Ça, c'est de l'allemand. Mais Eyes Wide Shut, excuse-moi, je fais le ridicule là, pour être intéressant auprès des auditrices. Là. Mais toi, Nicole, tu sais que je ne suis qu'un fanfaron. Oui. OK. Hey, Tom, excuse-moi. À chaque fois, je me fais... Hein? Oui, Tom Cruise, arrête de parler, ma belle Nicole, tu m'évapores l'esprit. Tom Cruise, les yeux grands fermés, est-ce que c'est vrai que ça a amené un couple vers la déchéance la plus totale? Oui. Pas facile, c'est un necrobreak, hein? Oui. C'est facile, mais Tom Cruise? Oui. Tout le monde est facile, hein, Nicole? Oui. Alors aujourd'hui, de parler en français avec nous à Errance Rénaldienne, ça risque de t'amener vers des signatures des plus exceptionnelles et surtout des réalisateurs chevronnés comme... Oui. Non, c'est pas un réalisateur, oui, ça. Non, comme... hey! Martin Scorsese. Scorsese. T'as-tu déjà joué dans un film de Scorsese? Non! T'as déjà joué dans un film de Stephen Kubrick? De Kubrick? Stanley Kubrick? Oui. Ben, j'espère on vient d'en parler, ma Nicole. Voyons donc! Alors, moi, regarde, je vais à Paris au mois de juillet, si on peut se rencontrer, dans une semaine. Moi, je vais être là, je vais te dire mon adresse. Est-ce qu'on peut se parler après le... Oui! Attends, j'étais prêt déjà à nous dire au revoir, mais j'espère que tout ça, ça t'a fait plaisir et que nous allons nous revoir sur les ondes radiophoniques, et en dehors, bien sûr. Hein, ma Nicole? Oui! Un chanteur engagé en 2011? Sûrement, oui. Je bien, il y a un engagement. Je ne suis pas, et ça c'est depuis toujours, je n'adhère à aucun parti. Je suis à l'étroit dans tout cadre. Donc voilà. Mais comme Jean-Claude Dreyfus, c'est ce qu'il me disait. Il disait Jean-Claude, ça, Jean-Claude, ça ne m'étonne pas. Il me disait l'année dernière que... il se plaçait dans aucun de ces critères-là. Moi non plus. C'est un libre-penseur, c'est ce qu'il m'avait dit. Et comme vous. Voilà. Vous êtes un libre-penseur. L'autre jour, je faisais une émission avec Radio Libertaire. J'adore cette liberté. À Paris? À Paris, j'ai pris un grand plaisir à retrouver Nicolas Choquet, avec qui on a fait, une belle émission. Mais... même là, je veux dire, j'ai toujours été très proche des libertaires, même là, il y a un drapeau. Il y a une revendication. Le drapeau, il est en trop. La revendication, c'est bien, Le symbole, ce qui vous dérange, c'est le symbole. Ce qui me dérange, c'est d'être emprisonné dans un tiroir. Oui. Et on est à l'ère des tiroirs, ça me dérange. Oui, on veut les cataloguer, on veut les stéréotyper, les ranger. Ben, ça, c'est très facile hein, aussi. C'est de prendre un individu un par un, puis essayer de l'analyser, de connaître ce qu'il est, c'est plus difficile. C'est vrai. Monsieur Vincent, j'ai 10 questions de la fin. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Si vous étiez un liquide... L'absinthe. L'absinthe, oh, d'accord. Non. Alors, ma référence, elle est... le mot me vient comme ça, mais c'est probablement dicté parce que j'ai écrit sur ce dernier album une chanson qui s'appelle Alfred, et Alfred, c'est Alfred Jarry. Oui. Pourquoi Jarry? Probablement parce qu'il est né à Laval, en toujours, Mayenne. Toujours pas à Québec. En Mayenne. Et Alfred, il y avait Alfred Jarry, il y avait plein d'anecdotes. Moi, dans ma chanson, je suis reparti de l'anecdote de la Closerie des Lilas, quand il était avec Apollinaire, et ils avaient tous les deux rendez-vous avec Paul Fort à la Closerie des Lilas. La Closerie, vous connaissez, c'est cette brasserie qui est à Montparnasse. Oh, il y a Julien à Paris à chaque année, donc je sais tout. Et donc, quand il est entré à la Closerie, il a vu cette jeune femme toute seule attablée, il l'a regardée, elle a tourné le regard, alors il s'est précipité vers elle. Vous savez qu'Alfred Jarry, il avait toujours un revolver sur lui. Alors il a sorti son revolver, il a tiré dans le miroir derrière la dame, et il a dit « Maintenant que la glace est brisée, causons !» Oh, c'est bon. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire ma chanson Alfred. Mais le rapport à l'absinthe, c'est aussi Alfred. C'est ce qui m'a probablement dicté la réponse que je viens de vous faire sur le liquide. Jarry disait l'absinthe, ce liquide pur. C'est pas ça. Il disait l'eau. Ce détergent dont on se sert pour les lessives et autres tâches ménagères qui, mêlé à un liquide pur, l'absinthe, le trouble. Oh, excellent! Et vous, c'est l'absinthe. Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married. Gee, I really yeah. pour t'aimer, j'ai menti. Pour t'aimer, j'ai péché. Je ne regrette rien. Il nous fallait un lien. Pour t'aimer, moi j'ai cru au devoir de mentir. Mais tu vois, j'ai bien dû sûrement me trahir. Ce n'était pas un rêve, car j'ai voulu s'entraver, me cramponner les papes d'un triste mensonge d'amour. Pour t'aimer, j'ai menti. Pour t'aimer, j'ai péché. Mais tu peux l'oublier si je reste avec toi. Ce n'était pas un rêve, car j'ai voulu sans trêve me cramponner les paves d'un triste mensonge d'amour. Pour t'aimer, j'ai menti. Pour t'aimer, j'ai péché. Mais tu peux le je reste avec toi, mais tu peux l'oublier si je reste avec toi. C'est une grande vérité. Juif est Dieu. For Mick Harvey, God is Jew. Juif, sa taille est très petite. Sais-tu que le Nazaréen n'avait rien d'un arien? Et s'il est fils de Dieu comme vous dites, alors Dieu est juif. Dieu, Dieu est juif, juif est Dieu. Le capital, tu l'as lu, de l'israélite Karl Marx, un beau bouquin. Et le trio bolchevique, la trocade est pure et dure, tous trois de race sémite, je le prouverai tout à l'heure. Dieu est juif, oh. Juif est Dieu, Dieu est juif, juif, juif, catégorie Jesevich à Pumbon 19ème. Les Borisovich, Rosenfeld, Gamenev. Davidovich, Bronstein, Trotsky. Dieu est juif. Juif est Dieu. Dieu est juif. Juif est Dieu. Voici le temps de l'antéchrist. La bombe à neutrons, hein. Petite fille de papa Einstein. Encore un juif, si tu vois ce que je veux dire. Petite. Dieu est juif. Juif est Dieu. Dieu est juif. Juif est Dieu. Thank you. je n'ai jamais... Si, j'ai bu... On m'a fait goûter, puisqu'aujourd'hui, l'absinthe a été interdite pendant longtemps. Aujourd'hui, Pourquoi? Oh, parce que c'était un alcool qui probablement rendait fou, comme on l'a vu. Je crois que Verlaine et les autres, ils ont raccourci leur vie en buvant de l'absinthe. Et mais c'est et combien de degrés de l'absinthe? Je vais dire une bêtise, j'en sais rien. Mais je crois que c'était très fort, cette histoire-là. Alors que ils ont ressorti de l'absinthe qu'on trouve dans les... Ok, oui. Et cette absinthe-là est beaucoup plus légère, apparemment. Mais ça ne m'a pas séduit. J'ai goûté ça une fois. Ça ne m'a pas vraiment séduit. Donc ma réponse, elle était simplement liée à Alfred Jarry. Ça, c'est bon. Mais sinon, votre liquide, hormis l'absinthe, là, ah, mais le véritable liquide pour vous. Je ne prends jamais... je prends rarement un repas sans un bon verre de vin rouge. Lequel? Alors moi j'aime bien les vins de Loire. Okay. Encore une fois, la proximité peut-être à ma région natale. Ça donne la banane. Mais j'aime bien les Saumur Champigny, j'aime bien les Saint-Nicolas de Bourgueil. Oh. Mais il n'y a pas trop de frontières là. Il y a beaucoup. Il y a des tas de Bordeaux que j'aime. Mais j'aime à chaque bien. Pays que vous visitez, on vous fait boire. Le vin rouge n'est plus la propriété de la France depuis longtemps. Hein. Non. Il y a Chili, il y a l'Afrique. Les États-Unis, il y a des vins californiens qui sont. Mais qui vous, sont très bons. Dans chaque pays, on vous fait boire de. Ah on oui. Vous fait boire, c'est une manière de parler, mais on veut vous faire goûter. Oui, moi, je suis. Êtes-vous ouvert à tout? Je suis ouvert à tout et j'aime beaucoup de choses. Simplement, je les prends avec modération. Oui. Parce que je suis assez. Je suis assez sensible, il ne me faut pas beaucoup de verre pour... Okay. Commencer à pleurer et repartir. Le vin est peut-être la seule chose que je prends. Alors que je prends aussi avec une certaine modération, mais... Un repas gâché. C'est un peu... Si vous étiez une ville... Si j'étais une ville... quelle question formidable. Il faut répondre comme ça. Aussi, réfléchis-y. Prenez le moment d'y réfléchir. Si j'étais une ville... si j'étais une ville, ce serait peut-être Rio. Rio? Ouais. Pour le côté festif ou pour le côté... Pour le côté festif, pour la vie qui s'y dégage, même si elle est extrêmement violente parfois, une cohabitation d'une violence avec, et puis la beauté de la ville. À peine on arrive sur le pont, le capitaine donne le ton, bienvenue Guillemette et une chanson. C'est la magie de fleurs des ondes qui vous propose le bout du monde et vous embarque en une seconde. Ce que la fleur a de bonnes ondes, elle est de l'année 53. Faite à Primelle, toute de bois, c'est une des plus grandes fleurs du monde. Coquelicot sur l'horizon, elles font la vague, toute voile dehors. Plus de langoustes en cargaison, mais certains s'en souviennent encore. À peine on arrive sur le pont, le capitaine donne le ton, bienvenue et une chanson. C'est la magie de fleurs des ondes qui vous propose le bout du monde et vous embarque en une seconde. Partant calme ou mer démontée, elle a connu toutes les marées, des îles Chausey à Guernesey, elle en a tant à raconter. La fleur de peau, c'est l'équipage, à l'attention tout en éveil. À fleur des ondes, c'est le partage, l'humanité, le grand soleil. À peine on arrive